ce sera le plus grand, le plus fantastique de tous les parcs d'attractions, déclare le riche monsieur Hammond en évoquant Jurassic Park, sorte de réserve qu'il vient de fonder sur l'île d'Isla Nublar en Amérique du Sud. Ce passionné de paléontologie finance par ailleurs les recherches de deux scientifiques spécialistes des dinosaures, Alan Grant et Ellie Sattler. Il leur demande un jour de venir cautionner les activités du parc afin de convaincre certains investisseurs quelque peu réticents qui souhaitent obtenir les meilleures garanties de sécurité. Ainsi, M. Hammond pourrait achever les travaux et ouvrir son parc au public. M. Hammond invite donc Alan Grant et Ellie Sattler à passer un week-end à Jurassic Park. Transportés par hélicoptère, ils arrivent en vue d'une île étrange, recouverte d'un épais brouillard. Dans la voiture qui les mène au centre des visiteurs, Alan et Ellie n'en croient pas leurs yeux. Des dinosaures, vivants, se déplacent à quelques mètres d'eux. Monsieur Hammond a en effet trouvé le moyen de recréer les fabuleux animaux du Jurassique. Il a choisi Isla Nublar pour les présenter dans leur milieu naturel. Les visiteurs, essentiellement des enfants, se trouveront transportés des millions d'années en arrière. Dès leur arrivée, les deux jeunes scientifiques apprennent comment le milliardaire est parvenu à créer la vie. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la sève. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle. Jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en une seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en image virtuelle montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf ! Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. Émus, les visiteurs assistent ensuite à l'éclosion d'un œuf de dinosaure. C'est une petite femelle, comme tous les dinosaures qui sont nés à Jurassic Park, d'ailleurs. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen de donner la vie à un mâle, explique M. Hammond. Alan Grant prend le minuscule animal dans ses mains et l'examine attentivement. Il ressemble un peu à un lézard jaune rayé de brun. À quelle espèce appartient-il ? Demande Alan. Il s'agit d'un vélociraptor, répond le milliardaire. Alan Grant est un peu surpris. Ces dinosaures sont carnivores et adultes, ils sont très dangereux. Après le déjeuner, les deux scientifiques sont invités à parcourir les pistes de l'île à bord de voitures électriques télécommandées se déplaçant le long d'un rail. Donald Gennaro, l'avocat de M. Hammond, et Ian Malcolm, un mathématicien réputé, les accompagnent. On m'a prié de vous signaler que vos petits enfants viennent d'arriver. Les visiteurs quittent l'enceinte principale, mais les dinosaures ne semblent pas vouloir se montrer. Chacun manifeste beaucoup d'impatience. Alan se dresse tout à coup. Là-bas, au loin, il voit quelque chose bouger. Il faut aller voir ça de plus près. Alan saute alors du véhicule en marche, bientôt suivi par Ellie. Poussé par la curiosité, tous les visiteurs finissent par les imiter. le petit groupe découvre alors un tricératops couché sur le flanc, sa grande collerette déployée. Fasciné, Tim ne quitte pas des yeux la bête à trois cornes dont la langue pend sur le côté. Le docteur Harding est accroupi auprès de l'animal et l'examine. « Tout va bien maintenant, dit-il, mais je ne comprends pas ce qu'elle peut avoir. Toutes les six semaines, elle se retrouve dans cet état-là. » Alan et Ellie se penchent sur le tricératops. « Je peux ?»« Bien sûr. N'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Muldoon lui a donné un tranquillisant. Elle est malade. » « Oh, mon Dieu. Oh. Oh. Oh, mon Dieu. Oh. Elle est ma belle. Oh, regarde. Elle est ma toute belle. Oui. Oh, mon Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Non, t'inquiète pas. Oh, des micro-vésicules. C'est intéressant. Merci. Quels sont ses symptômes? Une perte de l'équilibre, de l'orientation, difficultés respiratoires. Ah bon? Ça a l'air de lui arriver environ toutes les six semaines. Six semaines. Regardez. Ah bon? Bouge pas. Ça alors? Là, un réflexe pharmacologique. Certainement dû à des plantes locales. Tim les interrompt dans leur réflexion. Il tient à la main une pierre toute lisse qui ressemble fort à celle qu'il a vue photographiée dans le livre écrit par Alan Grant. Ellie comprend aussitôt. « Mais voilà » s'écrie-t-elle. « Cette pierre est un gastrolithe. Le tricératops n'a pas de dents. Il avale des pierres qui broient les aliments dans son estomac. Au bout des six semaines, les pierres sont trop usées pour bien remplir leurs fonctions. L'animal les régurgite pour en avaler de nouvelles. C'est à ce moment-là qu'il absorbe aussi les baies toxiques qui poussent ici et il tombe malade. » Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, l'un des assistants, Denis Nedry, prépare un mauvais coup. Pour une grosse somme d'argent, il a accepté de voler des embryons de dinosaures. Il s'apprête à mettre hors service le système de sécurité générale de Jurassic Park pour pénétrer dans le laboratoire où sont conservés les embryons. Peu lui importe que des visiteurs se trouvent au milieu du parc. Les ingénieurs de la salle de contrôle remarquent aussitôt que certains circuits de sécurité ne fonctionnent plus. Cela signifie que les véhicules et les enfants sont immobilisés et que les grandes clôtures électrifiées destinées à empêcher les dinosaures de s'échapper ne servent plus à rien. La nuit est tombée. Dans les voitures, les enfants sont inquiets. « Vous avez senti ?» interroge soudain Tim. L'affolement gagne tout le monde. Soudain, un tyrannosaure surgit. Voilà que le gigantesque animal saisit la clôture de ses courtes pattes avant et se met à la détruire. L'angoisse est à son comble. La clôture finit par céder. Le tyrannosaure est libre. Son attention est alors attirée par la lumière d'une torche électrique que Lex a malencontreusement allumée. Par le toit ouvrant, Tim et Lex, terrorisés, le voient ouvrir ses larges mâchoires et pousser un rugissement de tonnerre. D'un puissant coup de tête, il pousse le véhicule hors de la piste jusqu'au bord d'un précipice. À l'intérieur, les enfants sont projetés en tous sens. Le tyrannosaure immobilise alors la voiture d'une patte et se met à la déchiqueter pièce par pièce. Alan ne tient plus. Il faut faire quelque chose. Il se met à hurler en gesticulant. Hé, par ici ! Ayant ainsi capté l'attention du dinosaure, il jette une fusée éclairante par-dessus le ravin. Le tyrannosaure se précipite vers la lumière et s'arrête à quelques centimètres du bord du précipice. Alan court aider les enfants. Le jeune garçon a perdu connaissance. À peine a-t-il eu le temps d'intervenir que le tyrannosaure revient à la charge. Il bouscule la voiture. Les cris de Tim, qui vient de rouvrir les yeux, semblent le captiver. Par le toit ouvrant, il introduit sa monstrueuse langue qu'il tente en vain d'enrouler autour de Tim, plaqué contre le siège. De rage, le dinosaure cogne la voiture qui commence à rouler vers le précipice, fonçant droit sur Alan et Lex. Précipitamment, le paléontologue installe la fillette sur son dos et se met à descendre, tandis que la voiture les frôle en tombant dans le vide. Au bord du ravin, voyant ses proies hors d'atteinte, le dinosaure se détourne et s'éloigne enfin. Tim ouvre les yeux. Mais que s'est-il passé? Le voici à l'intérieur du véhicule. Celui-ci est miraculeusement tombé du côté du toit ouvrant, et c'est ce qui l'a sauvé. Alan le rejoint. Timmy ? Et moi, quel vertige. Hé, hey, Tim ! Tu m'entends ? J'arrive. J'ai horreur de grimper. J'ai horreur des arbres qui sont si hauts. Oh, ces putains d'arbres géants. Hé, hey, Tim ! Tim ? Ça va ? J'ai vomi. Oh. Oh, c'est pas grave. Donne-moi la main. Tim, je dirai à personne que tu as vomi. Allez, donne-moi la main. Allez, allez, on y va. Oui, je te tiens. Allez. D'accord. Allez, viens. On descend. Ne me tirez pas trop fort. Non, non, non, non, non, non, c'est très bien, Tim. Oh. Voilà, tu sors. Redresse-toi et accroche-toi à moi. Ça va, je vous tiens. Bien, accroche-toi. Bon, c'est pas si terrible que ça, Tim. Allons chercher Lex, dit Alan. Il propose aux enfants de s'installer dans un arbre pour prendre un peu de repos en attendant le matin. Il fait jour lorsqu'ils sont réveillés en sursaut par un brontosaure venu se nourrir à quelques centimètres d'eux. La petite fille a très peur. Nullement impressionnés, Alan et Tim regardent avec fascination ce végétarien qui mâchonne du feuillage sous leurs yeux. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est un brachiosaure. C'est un végétosaure, Lex, un végétosaure. Viens. Viens, ma puce. Viens. Viens. Allez, viens. Viens, ma puce. Ouais. Vas-y. Je lâche pas. Oh. On dirait qu'elle a un rhume. Oui, peut-être. Je peux la toucher ? Bien sûr. T'as qu'à te dire que c'est juste une grosse vache. J'adore les vaches. Eh, viens, ma grande. Allez, viens par là. Viens. À tes souhaits.